Tous. Je vous inviterai à tourner dans vos Bibles à l'Épître aux Romains, chapitre 1. Nous embarquons ce matin dans une aventure où est-ce que je suis convaincu que des vies vont être totalement changées, bouleversées, d'esprit, dans notre esprit et dans notre cœur. C'est ma prière ce matin. À mesure qu'on va avancer dans ce voyage, dans l'Épître aux Romains. Il y a deux raisons pour lesquelles j'en suis convaincu. Première des choses, c'est parce que l'Épître aux Romains, c'est la parole de Dieu. L'Épître aux Romains aussi, c'est l'Évangile. Et Romains chapitre 1, verset 16, nous dit que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Première raison pour laquelle j'ai cette certitude, c'est parce que c'est la puissance de Dieu, c'est la parole de Dieu. Deuxième raison, c'est que c'est arrivé dans le passé. Que des gens ont lu, que des gens ont été enseignés par l'Épître aux Romains, où est-ce que les vies ont été changées. Si vous retournez dans l'histoire, c'est incroyable de voir comment, justement, l'Épître aux Romains a transformé des vies. Et on va voir un peu ça ce matin. Les plus grandes réformes, les plus grands réveils ont été causés à cause de l'Épître aux Romains, à cause de la puissance de ce livre. Par exemple, à l'été de l'an 386, un homme appelé Augustin, originaire d'Afrique, qui avait pendant 2 ans été professeur de rhétorique, c'est-à-dire l'art de bien parler, être orateur. Il pleurait dans le jardin de son ami Alypius, presque convaincu de commencer une nouvelle vie. Et pourtant, il lui était impossible de rompre avec son ancienne vie. Comme il était assis, les historiens nous racontent qu'il a entendu un chant d'un enfant dans une cour voisine qui disait « Tolé légué, tolé légué ». Une petite mélodie qui dit « Prends et lis, prends et lis ». Il s'est dit que c'était peut-être quelque chose qu'il devait faire. Alors il a pris le parchemin qui était à côté de son ami. Ce parchemin contenait une portion de l'Épître aux Romains. Et ses yeux se sont arrêtés sur les paroles suivantes. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'était un texte de Romains 13, versets 13 et 14. Je n'ai pas lu plus loin, écrit-il, car je n'en avais pas besoin. Instantanément, à la fin de cette phrase, une lumière claire a inondé mon cœur et toutes les ténèbres de doute se sont dissipées. Et à ce moment précis, Augustin a revêtu le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Et l'Église a reçu le grand Augustin, qui est devenu l'un des plus remarquables théologiens de l'Église. Le 15 novembre 1515, il y avait un prêtre du nom de Martin Luther. Il était connu comme un moine augustin et professeur de théologie à l'Université catholique de Wittenberg. Il a commencé à enseigner l'Épître aux Romains à ses étudiants et a continué son cours pendant 10 mois. En préparant ses cours tous les jours, il est devenu de plus en plus convaincu de l'importance de la centralité de la justification par la foi. Je voulais vraiment comprendre cette épître, écrit-il. Et rien ne pouvait m'en empêcher, sauf cette seule phrase, la justice de Dieu. Parce que je croyais que cela faisait référence à cette justice de Dieu par laquelle il traite avec justice en punissant les injustes. Nuit et jour, je méditais cette pensée jusqu'au jour où j'ai saisi cette vérité que la justice de Dieu est cette justice par laquelle, par pure miséricorde et par pure grâce, il nous justifie par la foi. La justice de Dieu est cette justice par laquelle, par miséricorde et par pure grâce, Dieu nous justifie par la foi. Amen. Instantanément, je me sentis renaître et j'entrais par les portes ouvertes dans le paradis. Toutes les Écritures ont pris une nouvelle signification. Tandis qu'avant, la justice de Dieu me remplissait de haine, maintenant, elle devenait pour moi une douceur inexprimable, du plus grand amour qui soit. Ce passage de Paul est devenu pour moi la porte du ciel, écrit-il. Lorsque ce prêtre catholique s'est converti, il a enclenché ce qu'on a, nous, on appelle la réforme protestante, d'où nos églises viennent de la réforme. Au 18e siècle, un ministre anglican nommé John Wesley était confus concernant le sens de l'Évangile et il cherchait une expérience authentique de salut. Voici ce qu'il a écrit dans son journal pour le 24 mai 1738. « Je suis entré de reculons dans un rassemblement de la rue Aldergate, où quelqu'un lisait la préface du livre de Martin Luther sur l'Épître aux Romains. Vers 9h moins quart, pendant qu'il décrivait le changement que Dieu opère dans le cœur de celui qui place sa confiance en Christ, j'ai senti mon cœur étrangement réchauffé. J'ai compris alors que j'avais placé ma foi en Christ seul pour mon salut. Et j'ai reçu une assurance qu'il avait ôté mes péchés, même les miens. Et il m'a sauvé de la loi du péché et de la mort. » C'est donc sur la rue Aldersgate, en écoutant la lecture de l'Épître aux Romains, écrit par Martin Luther, que John Wesley s'est converti, a remis sa vie entre les mains du Seigneur Jésus. Jean Calvin dit que l'Épître aux Romains est la partie principale du Nouveau Testament et le plus pur évangile. Frédéric Godec, un théologien suisse, nomme cette épître « la cathédrale de la foi chrétienne ». Dans l'histoire de l'Église, frères et sœurs, il y avait un homme très important du nom de William Tyndale. Il a traduit le Nouveau Testament dans sa langue, dans sa propre langue, c'est-à-dire l'anglais. Et il a aussi, lui aussi, écrit sur l'Épître aux Romains. En 1534, dans son prologue sur l'Épître aux Romains, il a écrit ceci. « Je crois que chaque chrétien, non seulement devrait connaître par cœur et sans le livre, mais qu'il devrait le lire continuellement comme le pain quotidien de l'âme. » Fin de citation. Je répète. « Je crois que chaque chrétien, non seulement devrait connaître Romains par cœur et sans le livre de Romains, mais il devrait le lire continuellement comme le pain quotidien de l'âme. » Fin de citation. Maintenant, vous pouvez parcourir l'histoire plus que moi et vous trouverez transformation après transformation dans la vie d'individus, dans les pays à travers le monde, pour des hommes, pour des femmes qui ont découvert les réalités de l'Épître aux Romains. Cette épître est profonde, elle est divine et pourtant, elle est à portée de chacun d'entre nous. Le livre répond à toutes les questions importantes de la vie. Ce livre a été écrit il y a 2000 ans, et pourtant j'en suis persuadé, il va nous toucher en 2011, durant les mois qui vont suivre, durant l'année qui va suivre, et les autres. Romains cite l'Ancien Testament plus qu'aucun autre livre du Nouveau Testament. C'est-à-dire, à 57 reprises, l'Épître aux Romains va citer l'Ancien Testament. Les mots les plus communs de l'Épître aux Romains sont le mot « Dieu » à 153 reprises, le mot « Loi » à 72 reprises, le mot « Christ » 65 reprises, « Péché » 48 reprises, « Seigneur » 43 et le mot « Foi » 43. Ce livre nous parle de Dieu, de la foi, de Christ, du péché, du Seigneur et de la loi. Et tout ce qui va avec ça, tout ce qui tourne autour de ça. L'Épître aux Romains parle encore aujourd'hui parce que les choses n'ont pas changé depuis la chute d'Adam et Ève dans le cœur des gens. Et nous allons voir ensemble au cours des prochains mois ce que je vous disais, ce que Dieu veut nous dire à travers l'Épître aux Romains, à nous en tant qu'Église et à nous en tant qu'individus, chacun d'entre nous, vous et moi. Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Ce matin, nous allons regarder l'auteur de l'Épître aux Romains, Paul. Pour bien comprendre l'Épître aux Romains, je crois qu'il nous faut bien comprendre son auteur. Hein? Comment comprendre Romains si on ne comprend pas Paul? D'où est-ce qu'il vient, son arrière-plan, tout ça? Donc ce matin, je vais vous donner un aperçu de qui est Paul. Vous le connaissez, vous l'avez lu ici et là, vous avez lu ses lettres, ses épîtres, mais on va essayer de résumer, tout mettre en ça ensemble pour nous donner un bon résumé, un bon aperçu de qui est Paul et ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Paul, première des choses, c'est son nouveau nom. Avant, c'était Saul, vous vous rappelez? Saul est un juif né à Tarse, qui était une ville universitaire dans une culture grecque. Il est dit que dans ce temps, il y avait trois grandes universités dans la Grèce, dans le monde grec. Une à Athènes, une à Alexandria et une à Tarse, où vivait Saul. Donc, Paul fut éduqué à Tarse. Il a grandi là. Il a reçu une éducation grecque et il a reçu une éducation juive. Il a la citoyenneté romaine de son père. Il connaissait donc les Grecs, c'est-à-dire les gentils, les non-juifs. Il avait grandi parmi les philosophes qui vivaient dans cette ville natale de Tarse. Et c'est vers l'âge de 13 ans, nous croyons, que Paul commence à être enseigné à Jérusalem. Vous vous rappelez, Jésus, à 12 ans, s'est rendu au temple parce qu'il avait le droit. Il était considéré comme un jeune adulte. Donc, on pense que Paul, vers l'âge de 13 ans, s'est rendu ici, à Jérusalem, pour être enseigné au pied d'un docteur appelé Gamaliel, petit-fils de Hilliel, en passant, peut-être le plus fameux rabbin qui a existé. Donc, on voit ça dans Actes 22:3, que Paul raconte qu'il était enseigné au pied de Gamaliel, le rabbin. Donc, Paul connaissait très bien la culture grecque, je disais, l'enseignement des philosophes grecs, ainsi que la loi juive à laquelle il avait grandi. Il était merveilleusement bien préparé pour l'œuvre auquel Dieu l'avait appelé. Il a appris le métier de son père, faiseur de tentes. Hein? Il travaillait avec le cuir. On voit ça dans Actes chapitre 18, verset 3. Il était faiseur de tentes. Paul, chose pertinente à considérer, Paul n'a jamais rencontré Jésus de son vivant. C'est-à-dire que pendant que Jésus était sur terre, en tant qu'homme, lorsqu'il a marché sur la terre, Paul ne l'a jamais rencontré. On pense qu'après ses études avec Gamaliel, Paul est retourné à Tarse. Il est probablement devenu un leader d'une synagogue dans cette ville. Chose certaine, il est devenu un juif zélé, très zélé. Philippiens chapitre 3, verset 5, Paul nous parle. Il nous raconte comment il était. Philippiens 3, 5. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, nomme hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Un légaliste de première classe, il gardait la loi, il observait la loi. Il pensait obtenir la faveur de Dieu en observant la loi juive. Alors, un jour qu'il est à Tarse, peut-être à la synagogue, peut-être à la maison, Paul a commencé à entendre parler des chrétiens. Des chrétiens qui remplissaient la ville de Jérusalem avec l'enseignement que Jésus était le Messie premier. Alors ça l'a mis en colère, en très grande colère. Ça l'a frustré parce que c'est un enseignement qui semblait parler contre le judaïsme traditionnel. C'est pourquoi nous le trouvons dans la ville de Jérusalem, dès le début du livre des Actes des apôtres. Une persécution éclate contre l'Église et Paul, Saul, est en plein milieu de cette persécution-là. Maintenant, tournez avec moi dans le livre des Actes. Je veux souligner plusieurs choses qui vont nous amener au chapitre 8 des Actes. Mais premièrement, vous devez obtenir un peu d'histoire pour se rendre au chapitre 8 des Actes. Cette histoire nous vient du témoignage de Paul lui-même, qui l'a donné devant Agrippa au chapitre 26 de l'Acte des Apôtres, des Actes des Apôtres. Écoutez ce qu'il dit à Agrippa, verset 9. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur, contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est ce qu'on appelle être en colère, être vraiment en colère. Donc, ce que je retiens de ce texte, c'est « J'ai jeté en prison Paul. Quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés. Je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais. » Il est en colère. Ça n'a pas dû être facile pour les chrétiens de ce temps-là. De vraies persécutions pour leur vie. Ils fuyaient. Donc, on retrouve ça dans Actes chapitre 8, verset 1. Alors qu'il approuve le meurtre de qui? Le meurtre d'Étienne. Quelques versets avant le chapitre 8, chapitre 7, verset 58, nous dit « Ils le traînèrent hors de la ville. » On parle d'Étienne. « Et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. » C'est là que ça a commencé. C'était quelque chose de commun pour lui d'être impliqué dans l'exécution des chrétiens. Quelque chose de commun. Le verset 3 du chapitre 8 nous dit « Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes. Il les faisait jeter en prison. » Je retiens de ce texte, ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons, arrachait hommes et femmes, c'est violent. Il les faisait jeter en prison. Résultat, les chrétiens sont éparpillés en Israël, un peu partout. Ils ont quitté Jérusalem. Paul, ce qu'il a fait, il a littéralement nettoyé Jérusalem. L'expression ravager, qu'on voit Paul ravager l'Église, l'expression ravager, ça fait référence à une armée qui dévaste une ville. C'est cette expression-là. Ou un sanglier sauvage qui est lâché dans un jardin de légumes. Acte 26, 11, Paul nous parle encore de ce chapitre 8-là. Il nous dit « Je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. » Non seulement Jérusalem, mais il les persécute, il les poursuit. Il veut les capturer, il veut les mettre à mort. Une de ces villes dans lesquelles il poursuit est Damas. Acte 9, verset 1 nous dit « Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. » Non seulement il vide Jérusalem de chrétiens, je disais tantôt, mais il va à l'extérieur et il les poursuit. Il persécute, il les arrête pour les ramener à Jérusalem. C'est devenu pour lui une vendetta, une mission qu'il croit qui vient de Dieu. Il est rongé avec l'idée de capturer les chrétiens et de les faire exécuter. Il se rend donc à Damas, une population d'environ 150 000 habitants, ce qui est quand même beaucoup. Une très vieille ville, une ville plus vieille qu'Abraham, peut-être la plus vieille ville du monde. Acte 9, verset 2, je relis la phrase, le verset. Il demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouva des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Ensuite, quelque chose d'extraordinaire va se passer dans sa vie. Au verset 3, acte 8, verset 3, acte 9, verset 3, pardon. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, frères et sœurs, avec ce tout à coup, l'histoire du monde va changer. Avec ce tout à coup, ou grâce à ce tout à coup, votre histoire a changé un jour. Une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Lorsque Paul raconte ce témoignage dans Acte 22, il fait référence à ce qui est arrivé à ce moment-là. Acte 22, verset 6 nous dit « Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. » Ça devait être toute une lumière, frères et sœurs, pour surplanter celle du soleil. Acte 9, verset 4 nous dit « Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Régimber veut dire « résister inutilement, refuser d'obéir. » Et les aiguillons, c'est un pic qu'on mettait au bout d'un bâton et pour piquer les veaux, les brebis, les bœufs pour qu'ils avancent. Donc, il dit, ce serait dur de me résister maintenant. Donc, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Verset 6 nous dit, tremblant et saisi d'effroi. Ces mots, frères et sœurs, ne peuvent pas expliquer la grande panique qui s'est alors emparée de Paul. Il fait tuer les chrétiens partout. Il les persécute, il les emprisonne, il les force à blasphémer. Et maintenant, il fait face à celui qu'il persécutait, Jésus le Seigneur. Il n'y a pas de mots pour décrire les émotions qui sont alors passées dans son cœur, dans son corps, au moment où est-ce qu'il a entendu « Je suis Jésus que tu persécutes ». À ce moment-là, Paul est dévasté, il est brisé, il est détruit. Toutes ses pensées se mélangent et se précipitent dans sa tête. Il se dit, « Ben voyons, ça se peut pas. J'ai fait ça pour Dieu. C'est parce que j'avais tort. » Il se rappelle la voix qu'il a entendue, il dit, « J'ai persécuté, j'ai tué des gens qui avaient raison. » Puis c'est mélangé, là, il est sous le choc. Paul n'a jamais oublié ce moment, vous savez. Toute sa vie, il s'est rappelé ce qu'il avait fait. Il n'a jamais pu oublier ça. L'énormité de son péché d'avoir enlevé la vie de chrétien. 1 Timothée, chapitre 1, verset 12, il leur écrit, il leur parle un peu de ça. 1 Timothée, chapitre 1, verset 12, nous dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. » 1 Timothée 1, 14, un petit peu plus loin, nous dit « De tous les pécheurs, je suis le premier. » Et vous savez, il le croyait vraiment. Il croyait vraiment ce qu'il disait à ce moment-là. Donc, sur cette route de Damas, Saul a été transformé à jamais, et le monde aussi. Il a été rendu aveugle et sans voix. Il était dévasté, je disais, il était brisé. Acte 9, verset 9 nous dit, « Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. » Et sous le choc, là. Et dans les ténèbres, c'est dans ces ténèbres qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ, qu'il a remis sa vie entre les mains de son Sauveur et Seigneur, Jésus. Personne ne pouvait toucher son cœur à cet homme, à Saul. Aucun homme ne pouvait percer le cœur de Pierre, de Paul. Certaines personnes ont besoin que quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de dramatique, des fois, arrive dans leur vie pour baisser leur garde, pour qu'ils puissent écouter. Au lieu de juste parler, au lieu de juste répondre, au lieu d'être boqué, si on peut dire ça. Ils ont besoin que des choses dramatiques arrivent pour attirer leur attention. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Paul. Il a fallu que Dieu lui-même intervienne dans sa vie. Il a fallu qu'il le rende aveugle et qu'il lui parle. Chose extraordinaire, pas longtemps après, toujours dans Acte 9, verset 20, Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Paul était comme ça. Ça faisait partie de sa personnalité. Autant il était zélé contre Jésus, autant après sa conversion, il était zélé pour Jésus-Christ. Acte 9, verset 21 nous dit « Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? » Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Verset 23. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. C'est à partir de ce moment que Saul va goûter à sa propre médecine. Quelques jours avant, il était lui-même le persécuteur de l'Église et maintenant, il est persécuté pour avoir prêché celui qui, auparavant, il haïssait, mais qui maintenant aimait de tout son cœur. Incroyable! Il y a juste Dieu qui peut changer des vies comme ça, qui peut transformer radicalement, en un instant, des vies comme ça. Il y a seulement Dieu. Où est-ce que Paul, on pourrait se poser la question, où est-ce que Paul a-t-il appris si vite ce message? Première chose, on se rappelle qu'il connaissait pratiquement par cœur l'Ancien Testament. Il y a des écrits, il y a des études, pour dire des commentaires nous disent qu'il avait probablement appris au moins Ésaïe par cœur et une grande partie de l'Ancien Testament. Donc, il l'a appliqué au Messie, le Messie qui est Jésus, et les promesses de l'Ancien Testament. Mais je crois que c'est Dieu vraiment qui lui a révélé, qui lui a dit ça. C'est Dieu qui lui a parlé. Dans Galates, chapitre 1, verset 17, on a un indice. Galates, chapitre 1, verset 17, nous dit que Paul est parti pour l'Arabie, première des choses. C'est là que je crois que Paul a formé sa pensée. Où est-ce que Dieu l'a formé? Où est-ce que Dieu lui a révélé plus précisément qui il était? Galates 1, 11 nous dit, « Je vous déclare, frère, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » Ça ne vient pas de moi, je n'ai pas inventé ça, ce n'est pas un autre homme qui me dit ça. Il dit au verset 12 de Galates 1, « Car je n'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Acte 9, 26 nous dit, « Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, on parle des apôtres ici, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Hein? » Les apôtres ont peur de lui. « Je suis l'un des vôtres, je suis l'un des vôtres. » Oui, oui, c'est ça. On a déjà entendu ça. Hein? On connaît ta ruse, c'est un vieux truc, ça. Hein? On ne se ferait pas avoir. On ne se fera pas avoir. Acte 9, verset 27 nous dit, « Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem. » Donc, on parle des apôtres et Paul. « Et il s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. » Donc, Paul retourne à la maison à Tarse. Ensuite, dans Acte 11, verset 19, on va voir le suivi. Qu'est-ce qui est arrivé avec Paul aussi? Acte 11, 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, annoncèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Verset 22. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche, ville importante. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, Il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Verset 25, Barnabas se rendit ensuite à Tarse, où est-ce qu'est Saul, Paul, pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, Barnabas se rend à Antioche, parce qu'ils ont entendu parler qu'il y avait des chrétiens, là, des gens qui s'étaient convertis. Il voit, il dit « Wow, c'est vrai, c'est amen, il y a beaucoup de monde. Ils ont besoin d'être enseignés, ils ont besoin de la parole de Dieu. » Il dit, il pense à Paul. Il dit « Paul, je pense que ça ferait peut-être un bon pasteur ici, ou du moins un bon enseignant. » Donc, pendant toute une année, lui et Paul vont enseigner régulièrement l'Église. Acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche, toujours, des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode de Tétraque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur et dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc Dieu les met à part. Dieu dit, mettez-les-moi à part. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Donc, Paul est l'un des cinq anciens dans l'Église et il est envoyé avec Barnabas. Et ensuite, va commencer le ministère de Paul, le ministère pour lequel Dieu l'a envoyé, pour lequel Dieu l'avait formé. Paul est appelé l'apôtre des gentils. Et du chapitre 13 au chapitre 21, Paul va entreprendre trois grands voyages missionnaires à travers l'Empire romain. Finalement, durant le troisième voyage, Paul se rend à Éphèse, jusqu'à Éphèse. Il y reste plusieurs années comme pasteur et puis quitte pour la Macédoine. C'est là qu'il va former Timothée. Et Tite, je crois. Et finalement, il va se rendre à Corinthe pour la troisième fois. Et c'est à Corinthe qu'il va écrire l'Épître aux Romains. Voilà un bref résumé de la vie de Paul. Toute une vie, hein, toute une aventure, tout un homme. Maintenant, pourquoi Paul a-t-il écrit l'Épître aux Romains? Pourquoi est-ce qu'il écrit ça? Je pense qu'il y a environ cinq raisons qu'il nous mentionne du moins dans l'Épître. Première raison, nous dit que c'est parce qu'il voulait les affermir. Chapitre 1, Romains chapitre 1, verset 11, nous dit « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » L'Église de Rome n'a pas été fondée par un apôtre et n'a pas été fondée par Paul. Romains chapitre 15, verset 20 nous dit « Je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait pas été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. » Comment est-ce que l'Église de Rome a été fondée? Je crois qu'on a un indice dans Actes chapitre 2, verset 8. C'est alors que Pierre et les autres vont se mettre à parler en langues qui sont comprises à ce moment-là, les langues qu'on va mentionner ici. Et les gens les entendent parler dans leur langue. Et les gens disent, « Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthe, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans notre langue les merveilles de Dieu? » Il y a des Romains à ce moment-là, il y a des soldats romains qui sont là, qui ont entendu l'Évangile, qui se sont convertis cette journée-là. dans les heures qui ont suivi, dans les jours qui ont suivi. Et lorsqu'ils sont repartis dans leur ville, comme eux c'est à Rome, ils ont aussi communiqué, annoncé l'Évangile. Il y a des gens qui se sont convertis, qui ont donné leur vie, qui ont remis leur vie entre les mains du Seigneur Jésus. Et l'Église a été fondée à ce moment-là. C'est probablement la meilleure explication qu'on a. C'est pourquoi Paul veut les affermir dans leur foi. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Première raison. Deuxième raison pour laquelle Paul veut se rendre à Rome. Verset 15 nous dit, « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Je ne viens pas seulement pour l'Église, je viens pour les non-croyants aussi. Et on peut comprendre aussi que le mot « Évangile », ce n'est pas seulement simplement « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé ». Le mot « Évangile », c'est tout l'Épître aux Romains. C'est la parole de Dieu. Donc, je pourrais venir chez vous, pourriez venir chez moi, on pourrait se parler en tant que chrétien et s'annoncer l'Évangile, se parler de l'Évangile. Troisième raison pour laquelle il veut se rendre à Rome, chapitre 15, verset 32, nous dit « En sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. » Paul désire se reposer, s'il le peut. Ben, une église qui a déjà ses enseignants, qui est déjà bien formée, fondée, il veut leur parler, mais il veut aussi se reposer parmi eux. Quatrième raison pour laquelle il veut se rendre à Rome, chapitre 15, verset 30, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Donc, il veut que les chrétiens, les Romains, les chrétiens de Rome prient pour lui. Il veut prier, qu'on prie ensemble. Il veut que les gens prient avec lui. Cinquième et dernière raison que je vois, pour laquelle Paul veut se rendre à l'Église de Rome, il veut se rendre à Rome. Romains 15, verset 24 nous dit, « J'espère vous voir en passant, quand je me rendrai en Espagne, et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. » Donc, Paul a ce grand rêve de se rendre en Espagne. Et il espère, lorsqu'il va arriver à Rome, pour leur parler, les encourager, les affermir, se reposer, prier, il espère qu'il va être supporté financièrement, qu'ils vont pouvoir l'aider à se rendre jusqu'à Rome. Et il dit, j'espère être accompagné par vous. Oui, par la prière, mais peut-être avec d'autres disciples, d'autres gens qui vont venir avec lui pour aller jusqu'en Espagne pour annoncer l'Évangile. Et vous savez, Paul ne s'est pas seulement écrit la lettre de Rome, il dit « J'espère aller chez vous », il s'est rendu à Rome. Mais il s'est rendu aux frais du gouvernement. Il s'est rendu en tant que prisonnier. Et son ministère à Rome fut en tant que prisonnier. Comme lorsqu'il écrit aux Philippiens, chapitre 4, verset 22, il leur dit « Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César, à Rome. » Il écrit sa lettre aux Philippiens de Rome. Paul gagnait des âmes dans la ville de Rome à partir de sa cellule. Finalement, c'est aussi dans cette ville où est-ce qu'on va lui trancher la tête, nous dit l'histoire. Savez-vous que l'histoire nous raconte que à la fin de l'époque apostolique, il y aurait eu environ un demi-million de chrétiens. Un demi-million de chrétiens lorsque l'apôtre Jean serait décédé. Incroyable, n'est-ce pas? Incroyable. Un demi-million. Luc 1, 37 nous dit quoi? Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Hein? Dieu seul sait combien de conversions sont le résultat de la prédication de Paul. Mais on sait que c'est Dieu qui sauve, n'est-ce pas? Quel outil efficace entre les mains de Dieu, ce Paul. Sans aucun moyen médiatique, pensons-y, sans aucun journal, aucune radio, pas d'Internet, pas de télévision, pas de Facebook, pas de cellulaire, pas de message texte, hein? Seulement la prédication du bouche-oreille, de personne à personne, personne à foule des fois, oui. Un demi-million de personnes, pensez-y. Pas le journal, là. Pas la télé, pas la radio. Là. Paul avait été mis à part dès le sein de sa mère par Dieu pour proclamer l'Évangile. Et certains écrits nous disent que Paul n'avait pas une grande allure, ce n'était pas un homme imposant, impressionnant. Je vous lis une description du deuxième siècle de Paul, écrit par certains prêtres quelque part. Est-ce qu'on peut s'y fier? Je vous la lis. Mais c'est au deuxième siècle, donc 200 ans, ça ne fait pas longtemps après la mort de Paul ici-là. Petit de taille, et il y a un rapport non confirmé qui nous dit qu'il était de 3 coudées, ce serait à peu près 4 pieds 6, donc on parle d'une petite personne. Une personne assez petite, chauve et aux jambes tordues un peu, nez crochu, les cicatrices sur son visage qui proviennent de lapidation et des coups qu'il a reçus pendant son ministère. Et l'auteur nous dit « plein de gentillesse ». Malgré son aspect physique peut-être repoussant ou surprenant, « plein de gentillesse », Paul nous dit. Lorsqu'on considère qui il était, plein de rage, de colère, de tuer les chrétiens, les poursuivant, les forçant à blasphémer, les emprisonnant. Cet homme nous dit, Paul était plein de gentillesse. Gloire à Dieu. Il n'y a seulement que Dieu qui peut transformer les vies comme ça. Ce n'est pas une réformation, c'est une transformation qui s'est produite dans la vie de Paul. Et c'est ce qui se produit dans la vie des chrétiens. Si vous étudiez le Nouveau Testament, il est très probable que vous allez comprendre que Paul avait une maladie des yeux. Est-ce que c'était une cataracte? Est-ce que c'était autre chose? Il avait de la difficulté à voir Paul. On le voit dans ses lettres lorsqu'il dit « Vous voyez de quelles grandes lettres j'écris? » À d'autres reprises, on voit que c'est quelqu'un d'autre qui écrit à sa place. Donc, il a de la difficulté avec ses yeux. Il a de la difficulté à bien voir. Ce n'est pas le leader charismatique qu'on connaît, n'est-ce pas? Ce n'est pas la superstar typique qu'on voit parfois dans les églises. Est-ce qu'on l'aurait accepté dans notre église, Paul, aujourd'hui en 2011? Est-ce qu'on lui aurait dit, « Oui, Paul, tu es notre pasteur, c'est toi qui parles? » J'espère que oui. Paul nous raconte un peu dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 24, sa vie, mais sa vie où est-ce que tout ce qu'il a subi en quelques versets. 5 fois, nous dit-il, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, il y a d'autres choses, mais je ne vous mentionne pas tout. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Un homme occupé, un ministère à plein temps. Et il a expérimenté tout ça, tout ce que je viens de lire, avant d'écrire l'Épître aux Romains. Un homme déterminé à servir le Seigneur. Et rien ne pouvait et n'a pu le détourner de sa course. 2 Timothée, lorsqu'il écrit, 2 Timothée chapitre 4, verset 7, vers la fin de sa vie. Il est en prison. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront espéré aimer son avènement. Il lui dit, « Viens plus tôt vers moi. » Et là, il va dire, « Un tel m'a abandonné, un tel m'a fait mal. Amène mon manteau. Dans son cachot, il fait froid, c'est humide. Amène surtout les rouleaux, hein, pour qu'il se rappelle, qu'il se remémore les écritures, les notes. » Paul vivait pour une seule chose, frères et sœurs, pour la gloire de Dieu. Il désirait glorifier, exposer son Dieu, exposer Jésus-Christ aux hommes sur cette planète, sur cette terre, faire connaître son nom. Il vivait pour une chose, pour la gloire de Dieu, pour glorifier Dieu. On le voit dans Romains chapitre 11, verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Romains chapitre 15, verset 5. « Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Glorifiez Dieu. Romains 15, verset 9 nous dit que les païens glorifient Dieu, son but, son désir. Romains 16, verset 27 nous dit « À Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. » Paul vivait pour une seule chose, je disais, pour glorifier Dieu. Il désirait que tous, croyants ou non-croyants, glorifient Dieu. Amener les non-croyants à glorifier Dieu, c'est-à-dire qu'ils se convertissent au Seigneur Jésus. Paul est celui qui a écrit l'Épître aux Romains. Quel homme! Il n'a jamais pu oublier où est-ce qu'il provenait, le trou dans lequel Dieu l'avait sorti. Et pour cela, il est resté humble toute sa vie. Ça lui a gardé humble. Qu'est-ce que Paul nous dit ce matin? Laissons Paul lui-même répondre à cette question, après avoir regardé l'aperçu de sa vie, après avoir vu ce qu'il était avant et combien Dieu l'a changé, l'a fait passer, c'est un 180 degrés. Il s'en allait par là et, oups, par là. Une vie totalement transformée par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, par Dieu lui-même. Paul nous dit ce matin, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16. « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. » Philippiens chapitre 3, verset 17. « Soyez tous mes imitateurs. » Pas mon ancienne vie, mais ma vie nouvelle, ma nouvelle naissance, toute la vie chrétienne que j'ai passée. Vous avez vu, il dit à Timothée, hein, « Tu as vu comment j'ai vécu. Tu m'as suivi, tu es avec moi. Soyez mes imitateurs. » 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 7. 2 Timothée 3, 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, les pasteurs, les anciens, les apôtres qui étaient là. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1 nous dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Vous pouvez m'imiter parce que j'imite Jésus-Christ. Je marche dans ses pas. Je le suis. Je suis imitateur de Jésus-Christ. Vous pouvez fier sur moi, sur mes écrits, sur ce que j'ai dit, sur ma vie. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. » Ce que Paul nous dit ce matin, c'est « Soyez mes imitateurs. Imitez-moi. N'ayez pas honte de C'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Comment était Paul? Un homme de Dieu, déterminé, zélé pour Jésus-Christ, plein de gentillesse, avec un cœur plein d'amour, qui désirait par-dessus tout glorifier son Dieu, qui avait pour but que nous glorifions Jésus-Christ. Nous allons terminer en prière. Notre bon Père du ciel, nous approchons devant le trône de ta grâce et nous savons que nous sommes reçus et acceptés de toi à cause et grâce à Jésus-Christ, à cause de son sacrifice, à cause qu'il a payé le prix, qu'il a payé la rançon qui nous éloignait de toi. Seigneur Dieu, nous courbons et nous désirons être comme toi, Seigneur. Nous désirons te suivre, nous désirons être comme Paul et te glorifier. Apprends-nous dans les semaines qui vont suivre, dans les mois qui vont suivre, à te glorifier, à te suivre, à ne pas avoir honte de parler de toi, à être les imitateurs de Paul, à être les imitateurs de Jésus-Christ. Sois béni, notre Dieu. Amen.